Canada, j'étais à Montréal. J'étais pas trop sûr, j'étais pas trop décidé quel mot. Il y en a, si tant des mots, on aime parler pour, mais j'ai choisi coffee. Coffee? Ben, pour la tasse de café? Oui. Les coffee beans, les graines de café, coffee can, un café, coffee cup, coupe de café. I would say a toss. Un toss de café. OK, on va prendre. On va aller plus en. Nous autres, donc, on est pour les sucettes ici. Et d'autres, allons voir. Coffee grinder. Mouleuse. Un moulin à café. Un moulin. Yeah. The coffee grounds. Le mara café. Coffee meal. Tu connais ça? Un café au lait. Tu n'as bu plus qu'un gobelet de ça. I think I have. Yes. Yeah. Yeah. Now, how about the coffee spike with whiskey? Big smile on his face, folks. What is it, Jerome? Un pouce café. I've heard that before. Un pouce café. Tu croyais sur les étiquettes. Donc. Oh, la dick, il y a l'habitude de faire ça. Maman, elle a réussi ses coffee beans. Écoute, ça sentait dans tout le voisinage. Quand elle avait fini ça, là, c'était notre tour pour les mouler ça dans le petit mouleur. Écoute, ça aimait leur café. Là. C'était du café différent. Oui. On va arrêter de faire moi. Parce que ça dit, le wild coffee plant, indigo. Je connais pas. Hein? Je connais pas assez, comment t'appelles ça. Je connais, il y a une parole pour les plantes, les coffee weeds. Et c'est ça, là. Allons voir si je peux trouver ça, peut-être. Si ça dépeint, ça, là. Non, ça ne dépeint pas, mais ça va venir. Quelqu'un va nous appeler puis nous donner la parole. Et c'est ça, spécialement les habitants Henri. Et c'est ça. Mais un autre veut dire le coffee maker. And Greg a café. Et c'est ça, ça fait. On va quitter ça, peut-être, c'est un hint, pour peut-être un tasse de café plus tard. Oh, I know it's coming, Charlie. It's called Charlie. Hey, bonjour, qui tu parles? Hey, this is Buffet. Mr. Buffet. It's some café sauvage, you called it. I figured someone was going to call back in. What is that, Buffy? It's a coffee bean, and it makes a tree-like. That's a bad word in the rice fields. And if you pull them out the way we used to do, you had to put them on top of the levee when it was dry. Uh-huh. Pull them out and throw them back in the rice field, because you just transplanted them faster. That's true. So, is it basically just a weed? Yeah, it's a weed, and it makes like a stalk and like a cane. Mm. Oh, it's a big thing. And it's some of them get you can stand in the shade of them. Cool. Yes, sir. And it makes all them little pods on them. It looks like a string bean, and it's all some little seed, some little bean in there. Mm-hmm. And that's what they call the coffee bean. It looks like a coffee bean again, but it's small. Mm-hmm. And that falls in the water, and the water travels, plants them everywhere along. All right, and bonjour, qui tu parles? Hello? Bonjour, monsieur, bonjour. Well, monsieur Bordelon. Comment les affaires? T'as pas eu de pouce café à ce matin, hein? Pas tout à fait. Ils sont pleins de fer. Mon père, il boivait du pouce café avec du cold coffee. Uh-huh. And whiskey. He put the whiskey in the coffee? So we drink that. Cold coffee and whiskey. Oh, well, I'm sure it was good. C'est poussé le café. Et ça poussé le café, hein? Yeah. That would wake him up. Monsieur Allen, comment les affaires ce matin? C'est bon. C'est tout en sucre? Ouais. All right. Qui vous va nous compter ce matin? On avait parlé de café sauvage, ça. Ouais. C'est des indigos. C'est ça, nous autres on avait dit là. Indigo? Ouais. Mais en tour d'ici, ça s'appelle ça du café sauvage. Ouais, du café sauvage. C'est tout la même chose, hein? Ouais, moi et papa, on a travaillé toute une semaine dans le canot à Mullenbrook, à Whiteville. pas de l'eau. Wow. Mm-hmm. C'est pour docteur la bonne la place. Il y avait des lieux slaves qu'on a couché dans le soir. Ouais. Et entendu les hommes de râle pour les autres manger. All right. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'aller et venir d'abord. Donc, quand il était parlé pour Gaulle, le cheval avait quitté le bogey. Oh oh. Ça, c'est une belle affaire, hein. C'était un Mullenbach qui venait nous emmener dans son char. J'ai monté le cheval, j'ai tapé le bogey. Ça, c'était intéressant, Mr. Allen. Thank you. All right, mais vous souhaitez un bon week-end. Thank you. J'aime pas trop vous compter des grandes affaires, ça prend trop de temps. Mais on aime un petit peu dans la foi. Thank you. Thank you. Et bonjour, qui t'y parle? Bonjour, c'est Wayne, il est dans vous tout de suite. Ouais, Wayne. Comment les affaires, Wayne? Speaking of coffee, we're at the other end of the parish in, around Basile and Durand, so I picked them up, pulled my share of coffee, and I had my best friend with me all the time, my shovel. Mm-hmm. A shovel, and we walk along the levee and pull the coffee weed out of it. And I wouldn't even wear no shoes, I had some little overalls. And we'd go in there and we'd pull the coffee weed out and put them on the levee. I thought that was a natural thing. It was, I guess. And Saramasi saw Jackie and Okaleki, Dizoteriz, and Sajidi. Ramasa, Pazet, can't play around, man. Uh-huh. The boys wanted to play around, man. What memories are made of. Talk about. But we didn't know the difference. We just went in there and we did it. That's it. And then the snakes didn't bother us. Oh, he had a shovel in hand. I did the shovel. Hey, y'all have a good weekend. Thank you, Wayne. Thank you, Wayne. Okay, man. Good.